do the Rihanna part. Both bass players. Rap gone wrong, man. What happened to the back rhythm? We need a boost. We need a boost. Okay, just up on the stuff. Here comes the boost. Well, singing. Gonna chase you around because I think you didn't drink any beer. I think it's AM there. You only have orange juice. I have liquid protein. I didn't sleep, man. So it's late in the night. It's time for the psychedelic sortie. But I'm okay. Sur moi, je tombe de bas car mon karma est comme une girouette en carton. Garçon, les pipailles en poudre me servent moi dans l'ordre. Mon esprit part en couille. Baston et mépris ça en poudre. Donc passons à l'action, je détruis ça sans foudre et je m'en fous de brailler. Je bouffe pas de la semaine mais je suis enfouraillé au cas où ça dégaine. fou allié. T'es qu'un rasta trop soumet. Ne crois pas trop me soumettre, moi je suis Jack Sparrow soumet. Thank you. Okay, okay. I got it. Doesn't match the BPM. Dirty. Hear your Angus, man. Come on. Give me your Angus. It's 6:30 in the morning. Everybody in whatever on your street needs to hear the Angus. Come on, let us hear it. Come on. Give us your Angus. Give me your Angus. Your Angus. Yeah. You give me your Angus, your beef on the top. Yeah. Don't broil it too much, make it taste right. Yo, give me your Angus. Rapper lentement, si je veux, c'est pas un oubli quand je laisse un blanc. Si je me déguise en trompe-l'œil, je ne fais pas semblant. Dire que j'ai passé 28 ans, me demandant qui suis-je. Faut débiter clairement, des tripes sur des bites honnêtement. Si je vais pas trop vite pour l'instant, chaud de la suite, enlève tes vêtements. Quand tu vas, j'ai 30 ans, le rubis t'es content. Le rubis brille, le rubis brille, le rubis t'es clinquant. Je rappe aujourd'hui mais ça ne date pas d'hier. Je ne fais que ça. Braquage verbal au flingue imaginaire. Je braque ça. Je veux l'oseille, les intérêts de la banquière. Je fax ça avant de tailler. De quoi brailler à la maison. Check ça. C'est les temps, font trépasser mes franges, ça c'est vraiment. Quand j'ai en même temps l'étranger, vois les dangers et l'état d'excédent, v'là l'excellent. Bah, c'est...